Chapitre 3e. Hypnotisé. Hankins alla vivement dans la cour et fit ses préparatifs en toute hâte. Il attela une voiture légère, les deux meilleurs chevaux de Buffalo Bill. Son cheval à lui, il l'avait mis dans une écurie lorsqu'il était arrivé à la ferme. Il en ouvrit la porte et détacha la bête de sa longe. Pendant qu'il était là, il passa ses armes en revue. Il portait un revolver de gros calibre et il s'assura qu'il était chargé. Il regarda longuement l'air rêveur, le Bowie knife passé dans sa ceinture sous son poncho. Puis il quitta la cour, mais non pour revenir dans la salle commune. Il se faufila inaperçu le long de la façade de la maison jusqu'à une des fenêtres fracassées par les balles des bandits. Là, avec la souplesse silencieuse d'un chat, il se baissa et resta immobile, écoutant ce qui se passait dans la salle à ce moment-là. Il entendit Buffalo Bill qui disait d'une voix bien distincte « Mes amis, nous avons repoussé l'attaque de Jack Carters et de sa bande, mais nous ne devons pas oublier qu'il nous reste encore un devoir à remplir. Alice Enfield se trouve aux mains de ces monstres. Cette gracieuse et innocente jeune fille est dans les serres des vautours. Pour ma part, je n'aurai ni cesse ni repos qu'Alice ne soit délivrée. Et si vous pensez comme moi, mes amis, nous nous mettrons tout de suite en route à la poursuite des brigands. Mais on ne saurait se décider si vite. Je vous propose de passer dans ma chambre, qui a déjà servi à tant de réunions de ce genre. Ainsi, nous ne troublerons pas le sommeil de l'enfant blessé, et nous nous consulterons pour savoir si nous commencerons la poursuite immédiatement, dans cette nuit noire, ou si nous attendrons le matin. Car il est sûrement difficile, dans les ténèbres qui règnent dehors, de suivre ce gueux de Jack Carters. » Là-dessus, les hommes quittèrent la salle et se transportèrent dans une pièce à côté, qui était la chambre de Buffalo Bill. Les femmes les suivirent, car les femmes de l'Arkansas sont accoutumées de prendre part au conseil avec les hommes. Si elles n'y élèvent point la voix et si elles ne tentent jamais de provoquer une décision plutôt qu'une autre, elles entendent du moins les résolutions des hommes afin de pouvoir plus tard, lorsque l'heure est venue d'agir, aider à leur accomplissement. Kitty Mulden elle-même, appuyée sur le bras de Frank, son mari, quitta la salle lorsque Lottie lui eut dit « Allez sans inquiétude, je reste ici et je veillerai votre enfant. » Quelques minutes plus tard, Hankins entrait dans cette salle où il n'y avait plus que Lottie et la petite fille blessée. Lottie ne s'aperçut de l'avenue du métis que lorsqu'il fut tout près devant elle. Hankins savait admirablement se mouvoir sans faire aucun bruit à la manière indienne, de sorte qu'on ne l'entendait pas approcher. « Que voulez-vous ? » s'écria Lottie, prise d'une frayeur mortelle lorsqu'elle le vit soudain se dresser devant elle dans la pénombre. « Je veux que vous me pardonniez, » répondit-il. « Je reconnais que j'ai mal agi envers vous et mal agi envers Frank Stark, que j'ai toujours appelé mon ami. » »« Mais il ne vous a jamais appelé son ami, lui. » »« Cela se peut, mais je voudrais entendre de votre propre bouche que vous n'êtes plus fâché contre moi. Tendez-moi seulement la main. Je vous jure que je ne vous importunerai plus jamais. » En disant ces mots, il saisit d'un mouvement brusque la main de Lottie qu'il pressa dans les siennes. « Regardez-moi, » dit-il d'une voix sourde mais avec un accent de commandement. « Entendez-vous, Lottie, je veux que vous me regardiez. » La belle jeune femme ne savait comment cela se faisait. Elle voulait arracher sa main à ce sang mêlé et elle ne le pouvait pas. Elle ne voulait pas le regarder, mais une force intérieure à laquelle elle ne pouvait résister la forçait à lever les yeux vers lui. Hankins enfonça profondément son regard dans les belles et sombres prunelles de Lottie. De seconde en seconde, les traits de la jeune femme prenaient une expression plus marquée d'hébétude. Ses yeux s'attachaient à lui comme fascinés. La respiration semblait lui manquer et tout le sang de son corps lui refluait au cœur. « Dors, je t'ordonne de dormir, » fit Hankins d'une voix impérieuse. Lentement, les yeux de Lottie se fermèrent. Elle était en état de somnambulisme et la discrétion de l'hypnotiseur. « Je t'ordonne, » continua Hankins, « de faire tout ce que je désirerais de toi. » Il fit une pause, puis alla vers la porte et cria à demi-voix d'un ton pressant « Suis-moi !» Le corps élégant, plein de jeunesse et de santé, de Lottie se leva doucement de son siège. Ses bras pendaient inertes, tout son être semblait dépourvu de volonté. Elle avait rouvert les yeux, et son regard fixe était rivé sur ceux du métis qui ne cessait pas de la regarder. « Suis-moi là où je te mène. Abandonne celui que jusqu'ici tu as aimé et aime-moi. Entends-tu? Je veux que tu m'aimes et tu dois m'aimer. » Lentement toujours, Lottie oscilla vers lui, elle ouvrit les bras et se laissa tomber sur sa poitrine. Alors le sang mêlé eut un cri étouffé de triomphe. Ses bras, mus par le désir, se refermèrent sur la victime qui n'avait plus la volonté de résister. Il souleva la jeune femme et l'emporta dehors. Un instant plus tard, Lottie était assise dans la voiture attelée des deux chevaux de Buffalo Bill qui attendaient dans la cour. Hankins ouvrit la porte cochère et sauta près de Lottie. Il saisit les guides, leva le fouet et en effleura le dos de l'attelage. En même temps, il faisait entendre un petit sifflement particulier et son cheval, accourant de l'écurie, venait se placer à côté des bêtes de Buffalo Bill. « Et maintenant tu es ma femme, Lottie !» criait Hankins avec le rire rauque d'un démon, pendant que les chevaux, emportant derrière eux d'un galop enragé le léger Boguet, s'éloignaient de la ferme et filaient le long du Ruby Creek. « Ma femme ! Ma femme !» Le cri se mêla encore un instant au hurlement du vent, puis la voiture avec l'hypnotisé et son ravisseur se perdit dans le lointain. Cependant, les hommes de Ruby Creek avaient tenu conseil et après de courts débats s'étaient arrêtés à une résolution. Buffalo Bill avait énergiquement fait valoir qu'on ne devait pas perdre de temps pour suivre les traces de Jack Carters. D'une voix vibrante d'émotion et de colère, il s'était écrié « Nous ne devons pas laisser Alice une seule nuit entre les mains des bandits, autrement elle est perdue. C'est pourquoi mon avis est de poursuivre immédiatement les voleurs, dussions-nous le faire un peu à l'aventure. Ils peuvent s'être contentés d'entraîner Alice plus avant dans la prairie. Or, je crois, mes amis, que dans la prairie nous connaissons tous les sentiers, tous les chemins, tous les trous où Carters a pu emporter sa victime. Nous devons donc réussir, et nous réussirons à découvrir le coquin encore à temps. » Frank Stark fut aussitôt d'accord avec Buffalo Bill. Il songeait à sa petite fille grièvement blessée et il brûlait de la soif de la vengeance. Mais Joe Bevins, Wild Bill et Tom Towners lui-même pensaient que ce serait mal débuté, inutilement, sans aucune possibilité d'obtenir un résultat, que de se lancer dans la nuit à tâtons par un temps pareil, avec la pluie qui effaçait toutes les traces et tous les sentiers de la prairie, lorsque la tempête était encore dans sa fureur et que pas une étoile n'éclairait le ciel. Ils étaient d'avis qu'il valait mieux attendre jusqu'au matin pour partir. Mais le vieil Enfield donna le coup décisif. « Sauvez mon enfant » s'écria-t-il, les bras levés au ciel et pleurant. « Buffalo Bill a raison tout à fait. Si nous ne réussissons à arracher Alice à Jack Carter cette nuit même, ma fille est perdue, car elle rachètera sa vie d'un outrage à son honneur. » Buffalo Bill jeta rapidement un regard de côté sur celui qui venait de parler. L'homme ne lui plaisait pas. Il y avait dans la façon dont Enfield s'exprimait quelque chose de pathétique à froid, d'artificiel, de voulu, qui ne convenait pas du tout au brave chasseur du Kansas, lequel était un bon connaisseur d'hommes. Mais était-il vraiment possible qu'Enfield jouât un rôle si abominable? Comment imaginer que cet homme aurait livré lui-même sa fille aux bandits pour venir faire ici le père au désespoir? Cela parut à Buffalo Bill une perversité plus grande qu'il n'était permis de la supposer dans une âme humaine. Non, il voulait croire Enfield, et il soutint avec la plus grande ardeur la prière éplorée du vieil homme. Les sœurs de Buffalo Bill étaient aussi complètement de l'avis de leur frère. Dans une question intéressant surtout une femme, Miss Cody n'hésita pas à donner son opinion. « Il s'agit ici de préserver une jeune créature de la destruction, donc, mon cher Bill, ne perdez pas une minute, partez et sauvez-la. »« Allons, prenons vivement congé, » commanda Buffalo Bill. « Que chacun serre encore une fois sa femme dans ses bras, prenne ses armes et me suive dans la prairie. » Adieu rapide, mais où tout le cœur se donnait. « Le coup de l'étrier pour nous donner des forces !» s'écria Bill Cody. « Rentrez vite ici, un doigt de vin sera agréable à tout le monde !» L'invitation était de celle auquel on se rend volontiers, et la petite troupe revint pour un moment dans la salle commune. Tom Towners y était déjà, très troublé de ne pas trouver sa femme, qu'il cherchait et appelait partout. « Où est Lottie, ma femme » cria-t-il. « C'est ici que nous l'avions laissée. »« Elle m'avait promis de veiller ma petite fille, » dit Kitty Mulden. « Elle s'était assise près de son petit lit. » Comme un fou, Tom Towners courait par toute la maison en criant le nom de Lottie. Quand il revint dans la salle, le malheureux disait « Elle est partie, elle est partie, et Hankins le métis a disparu aussi. Ah, le coquin m'a emporté ma femme !»« Impossible !» s'écria Buffalo Bill. « Nous étions dans la chambre à côté. Nous aurions entendu un cri de Lottie, un appel au secours. »« Peut-être lui a-t-il bouché la bouche, » dit Joe Bevins. « Ce mécréant de Hankins, je le crois capable de tout. »« Je crois qu'il a fait pire, » dit alors Kitty Maldon, tout angoissée et des larmes plein les yeux. Je crois pouvoir dire comment Hankins a forcé la pauvre Lottie à le suivre. Ne possède-t-il pas cette puissance mystérieuse qu'on nomme hypnotisme? N'est-ce pas à l'aide de l'hypnotisme qu'il a plongé ma petite fille dans ce profond sommeil? Il était seul avec Lottie et il a eu le temps de mettre à exécution son infernal projet. Qu'il soit maudit! Je donnerai ses membres en pâture aux bêtes de la prairie! En avant! Cria Buffalo Bill, très ému. Ah, peut-être est-il temps encore de le voir, de le rattraper! À moi, mes amis, à moi! Il se précipita dehors, tous le suivirent. Le temps s'était remis. La tempête s'était à peu près calmée. De temps à autre, cependant, un éclair déchirait encore le ciel et éclairait les profondeurs du paysage. À la lueur d'un de ces éclairs, qui illumina Ruby Creek et la vaste plaine au-delà comme en plein jour, les hommes de la ferme de Buffalo Bill aperçurent quelque chose qui les remplit d'horreur et d'effroi. Tout à fait dans le lointain, là-bas, là-bas, ils eurent pendant la durée de l'éclair la vision d'une voiture que des chevaux emportaient en un galop fou. Nettement, la figure de Hankins, le sang mêlé, et celle de la pauvre Lottie se détachaient sur le fond noir du ciel. « Trop tard !» dit Buffalo Bill d'une voix étouffée par la colère. « On ne peut pas attraper le coquin. Pauvre Tom Towners, pauvre ami, tu as perdu ta jeune femme !»